La création absurde. Philosophie et roman. Toutes ces vies maintenues dans l'air avare de l'absurde ne sauraient se soutenir sans quelques pensées profondes et constantes qui les animent de sa force. Ici même, ce ne peut être qu'un singulier sentiment de fidélité. On a vu des hommes conscients accomplir leurs tâches au milieu des plus stupides des guerres sans se croire en contradiction. C'est qu'il s'agissait de ne rien éluder. Il y a ainsi un bonheur métaphysique à soutenir l'absurdité du monde. La conquête ou le jeu, l'amour innombrable, la révolte absurde, ce sont des hommages que l'homme rend à sa dignité, dans une campagne où il est d'avance vaincu. Il s'agit seulement d'être fidèle à la règle du combat. Cette pensée peut suffire à nourrir un esprit. Elle a soutenu et soutient des civilisations entières. On ne nie pas la guerre. Il faut en mourir ou en vivre. Ainsi de l'absurde. Il s'agit de respirer avec lui, de reconnaître ses leçons et de retrouver leur chair. À cet égard, la joie absurde par excellence, c'est la création. L'art est rien que l'art, dit Nietzsche. Nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité. Dans l'expérience que je tente de décrire et de faire sentir sur plusieurs modes, il est certain qu'un tourment surgit là où en meurt un autre. La recherche puérile de l'oubli, l'appel de la satisfaction sont maintenant sans écho. Mais la tension constante qui maintient l'homme en face du monde, le délire ordonné qui le pousse à tout accueillir, lui laisse une autre fièvre. Dans cet univers, l'œuvre est alors la chance unique de maintenir sa conscience et d'en fixer les aventures. Créer, c'est vivre deux fois. La recherche tâtonnante et anxieuse d'un Proust, sa méticuleuse collection de fleurs, de tapisseries et d'angoisses, ne signifie rien d'autre. En même temps, elle n'a pas plus de portée que la création continue et inappréciable à quoi se livrent tous les jours de leur vie le comédien, le conquérant et tous les hommes absurdes. Tous cessaient à mimer, à répéter et à recréer la réalité qui est la leur. Nous finissons toujours par avoir le visage de nos vérités. L'existence tout entière pour un homme détourné de l'éternel n'est qu'un mime démesuré sous le masque de l'absurde. La création, c'est le grand mime. Ces hommes savent d'abord. Et puis, tout leur effort est de parcourir, d'agrandir et d'enrichir l'île sans avenir qu'ils viennent d'aborder. Mais il faut d'abord savoir. Car la découverte absurde coïncide avec un temps d'arrêt où s'élaborent et se légitiment les passions futures. Même les hommes sans évangile ont leur mont des oliviers. Et sur le leur non plus, il ne faut pas s'endormir. Pour l'homme absurde, il ne s'agit plus d'expliquer et de résoudre, mais d'éprouver et de décrire. Tout commence par l'indifférence clairvoyante. Décrire, telle est la dernière ambition d'une pensée absurde. La science, elle aussi, arrivée au terme de ses paradoxes, cesse de proposer et s'arrête à contempler et dessiner le paysage toujours vierge des phénomènes. Le cœur apprend ainsi que cette émotion qui nous transporte devant les visages du monde ne nous vient pas de sa profondeur, mais de leur diversité. L'explication est vaine, mais la sensation reste, et avec elle, les appels incessants d'un univers inépuisable en quantité. On comprend ici la place de l'œuvre d'art. Elle marque à la fois la mort d'une expérience et sa multiplication. Elle est comme une répétition monotone et passionnée des thèmes déjà orchestrés par le monde. Le corps, inépuisable image au fronton des temples, les formes ou les couleurs, le nombre ou la détresse. Il n'est donc pas indifférent, pour terminer, de retrouver les principaux thèmes de cet essai dans l'univers magnifique et puéril du Créateur. On aurait tort d'y voir un symbole et de croire que l'œuvre d'art puisse être considérée enfin comme un refuge à l'absurde. Elle est elle-même un phénomène absurde, et il s'agit seulement de sa description. Elle n'offre pas une issue au mal de l'esprit, elle est au contraire un des signes de ce mal qui le répercute dans toute la pensée d'un homme. Mais, pour la première fois, elle fait sortir l'esprit de lui-même et le place en face d'autrui, non pour qu'il s'y perde, mais pour lui montrer d'un doigt précis la voie sans issue où tous sont engagés. Dans le temps du raisonnement absurde, la création suit l'indifférence et la découverte. Elle marque le point d'où les passions absurdes s'élancent et où le raisonnement s'arrête. Sa place dans cet essai se justifie ainsi. Il suffira de mettre à jour quelques thèmes communs aux créateurs et aux penseurs pour que nous retrouvions dans l'œuvre d'art toutes les contradictions de la pensée engagée dans l'absurde. Ce sont moins, en effet, les conclusions identiques qui font les intelligences parentes que les contradictions qui leur sont communes, ainsi de la pensée et de la création. À peine ai-je besoin de dire que c'est un même tourment qui pousse l'homme à ses attitudes. C'est par là qu'au départ, elles coïncident. Mais parmi toutes les pensées qui partent de l'absurde, j'ai vu que bien peu s'y maintenaient, et c'est à leur écart, ou leurs infidélités, que j'ai le mieux mesuré ce qui n'appartenait qu'à l'absurde. Parallèlement, je dois me demander, une œuvre absurde est-elle possible ?